قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء. Trois choses pour avoir اليقين أو pour augmenter son يقين. Et ça c'est مهم. Trois choses. La première أحدها تدبر القرآن. Méditer sur le Coran الكريم. هذا ça fait monter اليقين. المسلم يغصن هذا. Quand il lit le Coran خاصة كما قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. Tadabbur, c'est de comprendre les sens, méditer sur les sens, lire les explications de Ahl al-Ilm. Bien sûr, il doit avoir une application, c'est le fruit de cette méditation, de ce ilm. Fahada, la shak wa la raib anna son yaqin y montra, et son iman y montra. Il fera beaucoup plus d'efforts fi dinillahi azza wa jal. Donc, tadabbur al-Qur'an. Le musulman, il fait des efforts fi hada. On lit le Coran et qu'on doit donner du temps pour comprendre. Et parmi les livres qui t'aideront à comprendre, un livre très simple, le tafsir de Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. C'est un tafsir jamil jidda, très simple. Il ne rentre pas dans les détails et il explique le verset et c'est une explication nafi'a jidda, simple, précise, concise. Fanansah al-ikhwan bi al-ijtihad fi hadha al-kitab. Khassatan les sourates qu'on lit tous les jours, al-Fatiha et juz amma. Et autre, هذا c'est مهم. تدبر القرآن ça fait monter l'iman et ça fait monter l'yaqin. Deuxième chose, تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق. كذلك التدبر في آيات الله عز وجل الكونية et الشرعية. تقدم dans le premier point تدبر القرآن. كذلك الإنسان يتدبر في الآيات. Certaines choses ça fait monter l'iman et l'yaqin si tu médites sur toi-même et sur autre. Fahyanan, tu vois des créatures parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal et tu médites et ça fait monter l'iman et l'yaqin. Tu sais anna cette créature, comme elle est faite, c'est une créature azima. Tu sais très bien que le créateur, il est azim. C'est lui qui l'a créé Azza wa Jal. Ça fait monter ton iman et ton yaqin. Et beaucoup de versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal yahuth al-mu'minin an yatadabbaru fi ayat. Troisième, al-amal bimujib al-ilm. L'application. Ce ilm que tu apprends, que ce soit fait le Coran ou fait le Sunnah, tu t'efforces à l'appliquer, ça te fera monter à l'yaqin. Bi'idnillahi azza wa jalla. Kadhalik, on rajoute ad-du'a. Ad-du'a. Et ça fait partie de al-amal. L'insan, il fait ad-du'a. An Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alahu min al-muttaqin, min ashab al-yaqin, min al-muwahidin. Il fait ad-du'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala yastajib li'ibadihi al-mu'minin.